J'ai essayé d'haïr Alice. Il paraît que c'est normal dans les étapes de deuil. Le jour de ses 38 ans, j'ai écrit une chanson qui s'appelait « Conne ». Le texte était assez violent, assez méchant et surtout profondément injuste. Si seulement ça m'avait fait du bien de cracher sur elle, même pas, rien. Toujours ce manque, cette douleur continue qui ne diminue pas. Un jour, elle a écouté cette chanson et tout l'album du même acabit. Elle a été profondément blessée, elle a été très en colère, elle est venue révolutionner chez moi. Puis elle m'a rendu à ma solitude et ma douleur. Et ma solitude et ma douleur étaient encore plus fortes. Peut-être qu'il y a toujours une justice finalement.